À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le comité préparatoire suisse du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Vectusan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études Jutsi ont publié une déclaration commune. Le texte note que sous la direction de son excellence Kim Jong-un, la Corée est armée de la puissante force de dissuasion nucléaire capable de déjouer les défis des impérialistes américains et l'armée populaire de Corée s'est développée en forces révolutionnaires les plus puissantes dans le monde.